Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du BoxKit, le podcast de conseils et d'interviews pour les créateurs d'entreprises. Cette semaine, plusieurs interviews comme d'habitude. Nous allons pouvoir poser des questions sur l'auto-aveuglement et son rapport avec la motivation chez le créateur d'entreprise. Mathias Monribeau y répondra. Mathias Monribeau est le créateur et le fondateur de Petit Pousset, qui est un incubateur spécialisé dans les entreprises montées par des étudiants. Nous nous intéresserons au fonctionnement de Paris Business Angels, qui est une structure de Business Angels sur Paris, comme son nom l'indique, grâce à Michel Varter, qui lui-même est dans ce groupe. Question à une experte avec Marie-Christine Lampert-Laurence, cette semaine, posera la question de la mission Jeunes Entreprises. Et enfin, Outre-Atlantique comparera cette semaine la France et les États-Unis du point de vue de la fiscalité, pour voir si vraiment aux États-Unis c'est plus facile. Tout de suite, nous allons commencer avec Mathias Monribeau, fondateur de l'incubateur Petit Pousset. Mathias, souvent, les entrepreneurs ont beaucoup d'enthousiasme et on peut se demander des fois quand on les écoute s'ils en ont pas trop. Alors, je voulais savoir quelle est la différence entre l'enthousiasme et l'auto-aveuglement. Votre question est très pertinente parce que c'est exactement ça. Il n'y a pas véritablement de frontière entre motivation et auto-aveuglement. Tout part de soi, encore une fois. C'est véritablement, il y a des jours où on se lève de mauvaise humeur et comme par hasard, la journée va se passer de travers. Et le lendemain, on est de bonne humeur, on ne sait pas pourquoi. Et la journée va se présenter à vous sous un autre regard. La motivation pour un chef d'entreprise, c'est véritablement de l'auto-aveuglement. C'est être capable de dire, si vous analysez, si vous suivez en tant que reporter la vie d'un créateur d'entreprise, comme vous l'avez fait, vous constaterez qu'il y a de temps en temps des motifs de satisfaction que vous ne comprenez que très faiblement. Donc la frontière entre motivation et auto-aveuglement, pour un chef d'entreprise ou pour un créateur d'entreprise, elle est très fragile, puisque finalement, la motivation, on se la génère soi-même. Donc il y a une part d'autoconviction et une très très grande force de motivation qu'on auto-alimente. Mais alors, si on n'a pas l'auto-aveuglement, est-ce qu'il reste encore des sources de motivation ? Les sources de motivation sont justement cette quête de l'aventure ou du défi créatif permanent. C'est-à-dire que pour se motiver, il faut avant tout pouvoir créer. Des gens qui sont finalement patrons de leur entreprise, mais en franchise, vous constaterez que finalement cette liberté créative qui leur est enlevée fait qu'ils accumulent le stress beaucoup plus facilement qu'un créateur d'entreprise classique qui va pouvoir dégager un petit peu tout le stress lié aux inconnus commerciales, au stress administratif ou autre, en créant de nouvelles choses. Parce que chaque création est finalement un authentique message d'espoir sur le moyen long terme. Là où en franchise, évidemment, d'avoir un plan de développement, un plan marketing, un plan de communication qui ne soit pas de votre fait et qui soit prémâché par quelqu'un qui vous l'impose, tue cet effet créatif et finalement assomme complètement la motivation. Les chefs d'entreprise qui sont chefs d'entreprise en franchise sont bien moins motivés que les chefs d'entreprise qui ont finalement toute liberté de créer ce qui leur paraît essentiel pour faire avancer le développement de leur société. Mathias Monribeau, merci. Michel Varter est Business Angel à Paris, dans la structure Paris Business Angel. Bonjour Monsieur Varter, est-ce que s'il vous plaît, vous pouvez nous décrire la façon dont un dossier est traité par votre groupe ? Dans l'organisation parisienne, et là je ne parle que du groupe Paris Business Angel, l'organisation est la suivante, nous avons un permanent qui reçoit au quotidien tous les projets de porteurs de projets qui veulent accéder ou apporter leur projet à l'étude au Business Angel parisien. Ces projets sont screenés dans une première approche par ce permanent qui va dire est-ce qu'il y a tous les éléments qui paraissent nécessaires pour en premier jugement regarder la société et dire elle est intéressante ou pas intéressante. Nous avons développé également un modèle de présentation très très simple du projet en 3-4 pages. Et à partir du moment où ces éléments sont recueillis, le permanent transmet à un groupe de travail dans lequel nous sommes une quinzaine, une fois par semaine, le vendredi, la liste des projets qui sont parvenus dans la semaine. Cette liste de projets est étudiée pendant le week-end ou parcourue pendant le week-end par les différents membres de ce groupe. Et le lundi soir à 18h, dans une conférence call, nous nous mettons d'accord sur l'intérêt des projets présentés et surtout la possibilité de voir quelqu'un s'intéresser particulièrement à un projet pour pouvoir l'analyser et pour pouvoir faire avancer avec le porteur de projet l'élément qu'il aura présenté pour, dans une deuxième étape, le présenter à l'ensemble de la communauté des business angels parisiens. Deux fois par mois, nous nous réunissons avec tous les business angels du groupe hein, qui peuvent se libérer le mercredi soir et nous présentons deux projets qui ont été donc sélectionnés d'une part et retravaillés entre le business angel leader sur le projet et les porteurs de projet. Les présentations sont des présentations qui ont un peu évolué dans le temps et qui maintenant sont plus libres que dans le passé. C'est 20 minutes maximum de présentation du projet et 20 minutes de questions-réponses avec la salle et avec le porteur de projet pour nous permettre de sentir la personnalité hein, du porteur de projet et surtout sa possibilité pour lui hein, de développer et de vendre son projet hein, ou de développer son projet à terme correctement. Merci beaucoup, Monsieur Warter. Marie-Christine Lampère-Laurence est expert-comptable au cabinet L3 Conseil à Paris. Marie-Christine Lampère-Laurence, bonjour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que la mission Jeunes Entreprises? La mission Jeune Entreprise, en fait, est une mission très définie et structurée dans laquelle l'expert-comptable offre sa prestation et notamment tous les aspects du conseil aux jeunes créateurs qui ont besoin, bien sûr, de faire des choix quand ils se lancent dans cette aventure. Et donc, le contact qu'ils peuvent avoir à ce moment-là avec les experts-comptables sont définis et structurés dans une mission qui s'adresse plus particulièrement aux créateurs et qui suppose une phase d'analyse du projet et des attentes du créateur. Parce que c'est le Conseil supérieur qui a souhaité structurer un peu cette démarche qui existe de toute façon auprès du créateur, forcément dans les cabinets, parce que nous, on sait les questions qu'on a posées au créateur et les réponses qu'éventuellement on doit lui apporter. Mais il y a eu un effort de communication fait sur cette mission-là, parce qu'on s'aperçoit que finalement, assez souvent auprès des créateurs, on n'est pas perçu comme des gens indispensables et capables d'apporter les conseils nécessaires au démarrage d'une activité. On est plutôt perçu comme des personnes qui accompagnent les entreprises, éventuellement les grosses entreprises, ou en tout cas pas le créateur tout seul qui a une idée géniale en tête. Alors, l'Ordre a donc conçu une mission d'assistance, d'aide à la création qui est composé de 10 étapes modulables. Alors rapidement, on peut citer le business plan, l'analyse de la faisabilité, ça va un petit peu ensemble, recherche de financement éventuel, le choix du statut pour le créateur avec l'accomplissement des formalités et puis la mise en place d'une organisation administrative comptable pour aider le créateur à gérer ses obligations sociales, fiscales et l'accompagner dans le cadre de cette mission, au moins pendant les premiers mois d'activité, pour en fait tout ce qui concerne la mise en place de son entreprise. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Cette semaine, pour la rubrique Parole d'entrepreneur, j'ai interrogé Iwan Pernvern, qui est dans la société Cavernamut, qui édite des licences ludopréventives. Iwan, je voulais savoir en quoi vous avez été changé par votre création d'entreprise. Pour en parler de manière caricaturale, je suis devenu un peu américain. J'ai l'impression que en travaillant beaucoup, on peut arriver à tout. C'était quelque chose dont je n'étais pas persuadé avant. J'étais un peu plus résigné que ça. Je pense que quand tu dis qu'as-tu appris en devenant créateur d'entreprise, moi en l'occurrence j'ai surtout appris à me mettre dans l'état d'esprit d'un créateur d'entreprise, c'est-à-dire à me démener, à ne pas lâcher l'affaire, à être un peu plus acharné que je ne l'étais spontanément. Cette semaine, Outre-Atlantique avec Benjamin Canet, qui est banquier à New York, se posera la question d'abord de la fiscalité. Alors, on dit souvent que la fiscalité française est beaucoup plus dure envers le créateur d'entreprise. Aux États-Unis, on pense souvent que, bah, y a une fiscalité qui est plus simple, etc. Bon, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Parce que la fiscalité d'entreprise, c'est-à-dire l'impôt sur les sociétés ou même l'impôt sur le revenu, sont assez comparables à la France. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a moins de contributions sociales. Et là, on en vient à un autre sujet, c'est celui du code du travail. C'est vrai que la législation du travail aux États-Unis est beaucoup plus souple qu'en France. Donc, dès qu'on se développe et qu'on a besoin d'embaucher quelqu'un, c'est vrai que c'est plus simple. Oui, donc finalement, la fiscalité n'explique pas grand-chose. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui peuvent expliquer la différence? Par exemple, le taux de chômage qui, aux États-Unis, est beaucoup plus bas. Au niveau macroéconomique, il faut se rendre compte que la société américaine est une société où le chômage est assez faible, d'autant plus faible sur les jeunes diplômés. Et donc, si un entrepreneur choisit de créer son entreprise, il sait très bien aussi qu'il pourra retrouver un emploi, même s'il a échoué. Et ça, c'est un exemple qu'on peut trouver par exemple dans les grands cabinets de conseil en stratégie type BCG, McKinsey, qui parfois motivent certains de leurs éléments à créer leurs entreprises. Et si leur création d'entreprise échoue, à les reprendre dans leur structure. Donc ça, c'est vrai qu'il y a un marché du travail qui est favorable dans ce sens-là. Et après, je dirais, le grand chapitre dont on parle beaucoup en France et dont on parle finalement beaucoup aux États-Unis, bah, c'est l'innovation. C'est vrai que dans la mentalité américaine, il y a cette motivation vers la création de nouveaux produits, de nouvelles technologies, de nouveaux projets. Alors, c'est sûrement quelque chose qui est dans la mentalité des gens, mais c'est aussi quelque chose qui est promu par exemple les business schools. Le meilleur exemple, c'est Harvard et MIT. Vous avez les étudiants du MBA d'Harvard qui sont motivés à aller travailler avec des ingénieurs du MIT. Et il y a énormément d'entreprises qui sont créées dans ce cadre-là. Donc il y a cette volonté d'innovation de nouveaux produits, comme Google, Microsoft bien sûr, avec Bill Gates. Mais Bill Gates, c'est un exemple assez intéressant parce que dans cette liste, il y a énormément d'entrepreneurs qui ont finalement arrêté les études pour créer leur entreprise. Et ça, c'est un phénomène, par exemple, qui n'existe pas en France. Merci beaucoup, Benjamin. Je rappelle que vous êtes banquier à New York pour la banque Calion. Voilà, BoxKit, le podcast pour les créateurs d'entreprises, c'est fini pour cette semaine et je vous dis à la semaine prochaine avec de nouvelles interviews et de nouvelles questions. Et comme toujours, si vous avez des questions, des demandes d'interviews, vous pouvez m'écrire à boxkit@gmail.com. Au revoir!